por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Ama por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Bonsoir, Gabon, buenas noches et bienvenue à Esta Semana en Oulala Musique, Onji Etori. Esta Semana, un spécial la rue qui est à nous, la calle que es nuestra. A menudo asociado a trio y ogres de barbac. La rue qui est à nous, c'est une place de manière rapide, non, en esta nueva escena alternativa francesa, mezclando canciones francesas, chansons françaises, folk, música de calle, teatro. Y pues esta semana más bien la escucharemos en su directo que hicieron con el Josem, que es una orquesta de jóvenes. Lo grabaron en 2011 en La Rochelle. Y bueno, nos da una idea amplia del tipo de música que hacen, pero con esta sinfonía de atrás da mucho juego, da un aspecto muy, muy completo, ¿no? Al trío que son normalmente con sus dos guitarras y un acordeón, o una guitarra, un cajón y otro acordeón, o así. Así pues. Así que ya empezaremos directamente con un primer tema. El de las de les cigales, las cigarras. Es burgués, oyes, pasar en tu calle, una parada de esperanza, y que canta y que baila, y anda la galera, dirección la bohemia, y anda a nuestras quimeras, el Cap, con sus canciones. Ahí cigarras en la hormiguera y no podéis hacer nada. Hay cigarras en la hormiguera y por eso yo tengo esperanza. Burgués, oyes pasar en tus calles un pasacalle de escándalo. Son los niños artistas y hacen malabares y escupen fuego y hace boom, boom en tus orejas. Sous-titrage Société Radio-Canada. Chu. Ouais, Cigale! Bravo à vous pour cette belle journée! La Ruqueta Nui et l'orchestre, el joven orchestre sinfonica de l'Entre-deux-Mer. Y este tema lo dedicábamos a la Mapolita. Claro, que le gusta mucho este grupo y estas canciones. La que viene también, claro, que se llama Almarita. Así que directamente seguimos con la Ruqueta Nui, Josem, ahí con su atrevida mezcla del trío callejero con la orquesta sinfónica y Almarita. Tal vez son las locas de Nevers o de Sevilla, pulseras en farandolas y pendientes que sonríen, una falda de gitana, una gitana que encontramos en un escenario de Macadam, una historia que contamos. La música es ella y la fiesta entra. Almarita danza, canta para los gitanos, y que tu corazón vuela en el viento, tu alma en la caravana. Cantan para todas las primaveras, tantas vidas y estos duros tiempos, pero nunca se pueden quedar. La alma gitana no hace nada más que pasar. Se suiciden 100 veces por día para decir: no se malgasta Algeria o el amor. Estas cosas nunca volverán a crecer. La música es ella y la fiesta entra. Llevan las marcas del viaje. Saben muy bien hacernoslo creer. Nada más verlas bailar, no busques más entender. Solo tienes que ir ahí. Ni mujeres de marineros, ni putas. Sé que volverán a irse alegrías de gente en una mano y una maleta llena de canciones. Donde mi música es ella y la fiesta entra. Hay unos que trabajan como locos para pagarse clavos, a clavar en sus hojas de vida, pero la muerte te lleva sin maletas. Yo de todo eso no quiero nada, los bolsillos vacíos y el corazón lleno de amor que una gitana me dejó. La música es ella y la fiesta entra. Almarita, baila, canta por los gitanos, y que tu corazón vuela en el viento, tu alma en la caravana. Elles sont peut-être les folles de Nevers ou de Séville, des bracelets qui farandolent, des boucles d'oreilles qui sourient, à une robe de gitane, une gitane que l'on rencontre sur une scène macadam ou une histoire que l'on raconte. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Elle chante pour tous les printemps, tant de vie et ses gros temps, mais elle n'a pas vu rester. L'âme gitane ne fait que passer, elle se suicide 100 fois par jour pour dire on ne brade pas l'Algérie ou bien l'amour. Ces choses-là ne repoussent pas. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent. Caravane. tes marques du voyage. Et ça veut très bien nous y faire croire. Rien qu'à les regarder danser. Cherche pas à comprendre, y'a qu'à y aller. Ni femme de marin, ni putain. Je sais qu'elles repartiront. Des joies de gens dans une main. Et une valise pleine de chansons. Où la musique c'est elle. Et la fête fait son entrée. Anne-Marita danse, chante. Les gitans, et puis ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Anne-Marita danse, chante. Pour les gitans, et puis ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane. Il y en a qui travaillent comme des fous pour se payer des clous, accloutés sur leur feuille de vie. Mais la mort est sans bagage, moi de tout cela, je ne veux rien, les poches vides et le cœur plein d'amour qu'une gitane m'a laissé. La musique c'est elle, et la fête fait son entrée. Elle Marita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Anne-Marita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Anne-Marita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Anne-Marita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Anne-Marita danse, chante. Pues eso, la banda tiene ya ahora 4 discos estudios, ¿no? Y 2 directos con este del Josem. Y están de gira por todo el verano que viene y estarán por los que los pueden gustar y acercarse en el Festival Pirineos, ahí al... del otro lado de la Muga, ahí en el 64. Y podemos decir que este grupo tiene una identidad muy propia, y está claro que hay miles de grupos callejeros, talentuosos y desconocidos, y de los cuales nunca hablaremos nunca. Y que sin duda pueden ser más talentuosos unos que otros, reconocidos aún. Pero ahí está la Riqueta Nua, ha sabido salir, ¿no? De descartarse y hacerse popular con su estilo artista callejero teatral. Así que respeto para ellos. Aquí nos gusta mucho. Y pues... anda con otro tema. Un tema que se llama La fiancée de l'eau, la novia del agua. Que está cogida de una obra de teatro de... de Tar Ben Yelum. Y la obra... pues retrasa la vida de un pueblito... de paz, que vive con paz ahí en el Alto Atlas, donde el agua es una riqueza inconmensurable. El drama empieza alrededor de la boda de Malika, de la cual el agua es la dota, ¿no? Lo que se paga a la novia. Pero el corazón de Malika está cogido por Majub, un poeta vagabundo, viajero. Y la revuelta de los habitantes del pueblo pues creará condiciones de tristeza y de exilio para ella. Todo a lo largo del espectáculo hay canciones, cantos eternos, cantos de alegría o cantos de tristeza. Del nacimiento a la muerte, del río a los campos, toda la vida ritmada por estos cantos. Pues hicieron una canción sobre esta obra y muy guapa, y ahí va con el la orquesta sinfónica de los jóvenes de La Rochelle. Quand sécheresse, la fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince orange, ton drap blanc. Prince orange, ton drap blanc. Prince orange, ton drap blanc. Prince orange, ton drap blanc ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur. Regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'en fit repart la mort, la triste voleur, l'absence dans son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre. Avec tout tes mouvements, creuser jusqu'à l'enfer, creuser, creuser encore. Non, tu n'auras rien d'air. Non, tu n'auras rien d'air. Non, tu n'auras rien d'air. C'est jeté au ciel, tu commences à comprendre que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre. De l'eau, la novia del agua. Y pues ahí, ¿no? La verdad es que en estos tres conciertos que hicieron tuvo que ser bastante guapo, ¿no? Es un grupo de escena total, yo los vi varias veces y es uno a lo loco, ¿no? Y hablan entre canciones, hablan mucho con el público, hacen juegos y ahí podemos, es un grupo escénico, ¿no? Aún estando solo tres parece que son más, así que con toda una orquesta sinfónica detrás tenía que ser algo guapo. Y pues eso, podemos hablar de un estilo urbano ahí, rap and roll, porque ahí es el tema que sigue que vamos a poner. Se llama rap and roll porque dicen así, que hacen una mezcla de rap and roll. Un joyeux métissage ou passage. Quoi? Mais c'est quoi ce passage jusqu'ici encore? C'est vrai qu'on les avait semés, allez bon. Qui c'est qui les a mis un éléphant à l'eau? Je sais pas, on les avait laissés avec ça. Oh, là-bas, reviens. Voilà des gars qui refistolent des chansons qui sont rap'n'roll. Faut pas hésiter de recopier son cœur sur un petit bout de papier. Joyeux vandale, crève pas la dalle quand il chauffe pas que ses sandales. Et des sagates au bout des doigts. Chante à tout le monde un peu de toi. Tu seras la Chimpa Fanfan. Ou bien le roi des éléphants. Ou bien le roi des éléphants. Ouais, c'est du rap, du rap, du rap, du rap, du rap'n'roll. Ouais, c'est les gars qui rapistolent. Ouais, c'est du rap, du rap, du rap, du rap, du rap'n'roll. Ouais, c'est les gars qui rapistolent. Bien sûr, on peut toujours se tromper. Ouais, ça c'est fait pour avancer. Des fois, y'a pas besoin de dormir. Pour rêver que l'on peut s'offrir le tour du monde à contresens. Allez, les gars, faut que ça balance. Fais-y du swing dans tes idées, même si tu sais pas bien danser. Pas surtout pas le ridicule. Quand on n'ose pas, des fois on recule. Quand on n'ose pas, des fois on recule. Ouais, c'est du rap, du rap, du rap, du rap, du rap and roll. Mais c'est les gars qui rapistolent. Ouais, c'est du rap, du rap, du rap, du rap, du rap and roll. Ouais, c'est les gars qui rapistolent. Des chahuts au bout de la rue, des gens qui chantent à la bienvenue. C'est des gars qui rafistolent. Des chansons qui se rap'n'roll. Alors qui aurait pu le croire qu'avec un chapeau rempli d'espoir, on se retrouve jusqu'en Amérique. Un troubadour des places publiques, par-dessus toutes les frontières. L'espace scénique grand comme la terre, l'espace scénique grand comme la terre. C'est du rap, du rap, du rap, du rap, du rap'n'roll. C'est les gars qui rafistolent. Mais c'est du rap, du rap, du rap, du rap'n'roll. Ouais, c'est les gars qui rafistolent. C'est qu'elle est là. Merci. Ahí, el rap and roll de la rue Quetano, la calle que es nuestra, porque es lo que reivindican desde su principio, ¿no? De que nosotros somos de la calle, ¿no? Nosotros no somos de la calle, pero es la calle que es nuestra. Y vamos a seguir con un tema de que llaman Maître Corbeau, el señor Cuervo, el maestro Cuervo de La Fontaine. Y si Maestro Cuervo en su árbol quería compartir su queso. Oh, Maître Corbeau. Ouais. Où? Ah, quoi? Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Un et deux, le micro est tout bleu. On a ça et des mots et de la gouaille populeuse. Une cogite, un stylo, un cahier. V'la t'y pas qu'on est là, paré pour avancer. Car trop de paroles et trop d'années. Et encore rien n'a changé, peut-être ne changeront-elles jamais. Cette façon-là que les gens ont de penser, de vouloir à tout prix, de vouloir tout gagner. Et qui est gagnant, il perdant, la rage dedans, on ne vous l'apprend pas. Non, la compétition est pour nous un problème déjà trop propagé. En ordre qu'à donner son nom de cette façon. Lasca. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, moi c'est sûr que Maître Renard par l'odeur alléchée lui aurait rendu cet hommage. Mais le corbeau radin n'a rien donné, rien lâché. Et le renard la fin au ventre lui a arraché. arrachée. Oh, je rêve de voir la petite façon de chaussures, car j'ai de la peine de voir pleurer la petite. Sur son trottoir, la crasse, on est dans les rues de Tanger. Alors que juste en face, dans un restaurant, le touriste joue l'ignorant. Gavet d'argent sur cette partie du continent. Oh, quand cesserons-nous de nous plaindre et quand cesserons-nous de jeûner pour des billets? L'homme n'est pas fait pour travailler, on le crie sur un micro. Il n'écoute qu'une dans une société qui pousse à moderniser. Et quand le tout sera bien électroniqué, notre vie sera bon à jeter. Car si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, hey, ouais. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, ah, bah, c'est sûr. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, j'ai le droit d'être quelqu'un sans travail, je suis rien. Bon, ce ne sont là qu'au dragon. Poussé par l'être humain dans une facilité pour se raccrocher à des bouées. Alors, ouais. Qui très vite vont se transformer en des menottes, en éclats-pièges. Enfermer les esprits un peu trop libérés. 10 ans comme employé chez Renault. Et aujourd'hui, il vend des fleurs dans le métro. Comment peut-il comprendre tout ce qu'il gagnait? Des gestes abrégés, tourner quand les repassés. Toute sa vie, il a bossé dans une entreprise de merde. Avec un boulot de merde. Où la philosophie travaille plus vite que ton voisin et tu seras en haut demain. Mais bien loin est le sommet des échelles. Et certains que quand on peut encore y accéder, c'est pour cela qu'on est fort dans notre loi. Sur ce détail-là, à haute voix, car si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. C'est pas si sûr. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. L'odeur alléchée lui aurait rendu cet hommage. Por los muy reverente de la Rue Catano es Sur les chemins de la Bohème, de su primer disco ahí de 2001, En los caminos de la Bohemia. Y ahí en los caminos de la Bohemia encontré la punta del mundo. Mañanitas con café con leche, donde piaba mi primer piti. Antes de irme el pulgar hacia arriba, a la otra punta del mundo. En los caminos de la Bohemia encontré la nieve y el sol. Una chica que me dijo te quiero. Una tarde que no encontraba, que no tenía sueño. Antes de irme el corazón en el aire, a la otra punta del mundo. En los caminos de la Bohemia hablé lenguas extranjeras. Mis pasos seguían un poema. Me lavé al agua de mar. Y antes de cantar palabras en el aire sobre músicas vagabundas. En los caminos de la Bohemia me robaron mi guitarra, un viejito. Me dio la suya, cantándome su historia. Entonces le dediqué esta melodía desde la otra punta de la punta del mundo. sur les chemins de la bohème. J'ai croisé le bout du monde, des petits matins au café crème, où je taxais ma première blonde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Sur les chemins de la bohème, j'ai croisé la neige et le soleil. Une fille qui m'a dit je t'aime, un soir où elle n'avait pas sommeil. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Sur les chemins de la bohème, j'ai parlé des langues étrangères, mais pas poursuivi un poème. Je me suis lavé à l'eau de mer, et avant de chanter des mots en l'air, sur des musiques vagabondes, avant de chanter des mots en l'air, hey, sur des musiques vagabondes. De la bohème, on m'a chouravé ma guitare, un vieil homme m'a donné la sienne, en me racontant son histoire, et je lui dédierai cet air, à l'autre bout du monde. Je lui dédierai cet air, à l'autre bout du monde. C'est nous là, la musique. En Irra Iratia, 107.5 FM, 107.5 FM. des ondes libres de Bilbao et du reste du monde. Et c'est la Ruquetanu et le Josem, le jeune orchestre symphonique de l'entre-deux-mer, un joven orchestra. Y hay une petite danse, un pequeño baile. No hace falta traducción porque lo pillaráis al momento que lo entendáis. Danse un garçon dans les bras d'une fille, et danse une fille dans les bras d'un garçon. Et qu'importe l'opinion de toute la famille, de la fille ou du garçon, l'amour a toujours raison. J'aime sous la page, mais sous brasse ma mouillère. Desse ma mouillère, mais sous brasse sous la page. Et qu'importe où la vie, todo da famille, et dans la page ou dans mouillère, ou à mort, ça prend raison. Tu gombra, tu filar et danse, manzel en bras, tu garçon. Pas chercher à comprendre ce qu'on pense, c'est familial. Tu fille ou tu garçon, l'amour dit toujours raison. Мальчик танцует во время мку девочку, девочка танцует во время мку мальчику. И не волнует меня их одни цели, потому что любовь всегда права. Danse un garçon dans les bras d'une jeune fille, et dans cette jeune fille dans les bras d'un garçon, et c'est bien à l'opinion de faire toucher toute famille, de jeune fille et de petit garçon, l'amour y a tout y raison. Un chico baila, los brazos de una chica baila, los brazos de un chico, y que aporta un piñón de toda la familia, de chica y del chico, a no se pierde nada. Dance a boy with a girl and dance a girl with a boy. It can put the opinion of the ass of the family because of love, love, love, love, love, love. Dans les bras d'une fille, et danse une fille dans les bras d'un garçon. Et qu'importe l'opinion de toute la famille, de la fille ou du garçon, l'amour a toujours raison. Danse un garçon dans les bras d'un garçon, et danse une fille dans les bras d'une fille. Et qu'importe l'opinion de toute la famille, de la fille ou du garçon, l'amour a toujours raison. Mesdames et messieurs, le Josem et son chef d'orchestre, Nico. Il y a será tiempo de despedirnos de este oulala musique, la Ruquetanu et le Josem. Et nous despediremos con este tema de Ma faute à toi, mi culpa tuya. Ciao, ciao, et comme siempre, faites gaffe à tout ce qui vient de la droite et ne lâchez rien. Agour. besoin encore et toujours. J'ai besoin d'entrer chez une femme, d'en sortir au petit jour, avec un peu moins de flamme dans les yeux. Quand je te regarde, car notre amour à tous les deux, y'a que moi qui le garde. D'entrer chez une femme, chez une autre que toi. Toi, t'as perdu ma flamme était pour toi. J'ai besoin de t'oublier, ne pas te reconnaître. Partout où je vais, j'ai besoin de renaître. De vivre devant moi, ceux qui m'aiment me suivent. Je sais toi, tu restes là. J'ai besoin d'aimer, je ne sais rien faire d'autre. J'ai besoin d'aimer, c'est pas ta faute, c'est ma faute à toi. Toi t'es trop belle, toi t'es trop belle pour moi. Et les belles elles sont cruelles pour ceux qui les veulent. Pour ceux qui les ont pas, pour ceux qui sont tout seuls, pour ceux qui le savent pas, pour ceux qui marchent des heures et qui vont nulle part, pour ceux qui boivent, pour ceux qui ne dorment pas, pour ceux qui chantent, qui chantent, qui chantent, pour ceux qui chantent, qui chantent, qui chantent, pour toi. De vivre, devant moi. Ceux qui m'aiment me suivent. Je sais toi, tu restes là. J'ai besoin d'aimer. Je ne sais rien faire d'autre. J'ai besoin d'aimer. Et c'est pas ta faute, c'est ma faute à toi. Toi t'es trop belle. Toi t'es trop belle pour moi. Et les belles elles sont cruelles pour ceux qui les veulent. Pour ceux qui les ont pas, pour ceux qui sont tout seuls, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui marchent des heures et qui vont nulle part, pour ceux qui boivent, pour ceux qui ne dorment pas, pour ceux qui chantent, qui chantent, qui chantent, qui chantent, pour ceux qui chantent, qui chantent, hey, pour toi. Après-midi et à la prochaine, c'était Joseph qui était à nous. en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui. Pour être heureux, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Aïe. Mais c'est tout un drame, si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux? Pour être heureux. Et tu verras que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi. Prenez la vie du bon côté. Riez, sautez, dansez, chantez. Et vous serez un ours très bien léché. Ouais. Et vous serez un ours très bien léché. Youpi. Como la nueva religión. Es como la nueva religión. Es como la nueva religión. Es como la nueva religión. Es como la nueva religión. Devenir champion du monde de football. Es como la nueva religión. Champion du monde de football. Es como la nueva religión. Champion du monde de football. Es como la nueva religión. Sí, el fútbol está en crisis por dos motivos. Primero, porque hay una crisis propia del fútbol que se ha gastado más de lo que se ha ingresado a lo largo de estos años. Y tenemos 22 clubes al día de hoy en España en concurso de acreedores. En toda Europa hay 23. Concurso de acreedores es que eres insolvente. Que eres insolvente, por tanto no eres solvente, no puedes pagar las deudas. Y entonces aquí hay dos posibilidades. Primero, que esto sea una situación transitoria, esto sería suspensión de pago. Y la otra es que debo más. Ma quiebra. Ma quiebra. Ma quiebra. ¿Cuántos millones deben? Mallorca. 83 millones de euros. Real Madrid. 590 millones de euros. Real Betis. 85 millones de euros. Fútbol Club Barcelona. 578 millones de euros. Racing de Santander. 85 millones de euros. Atlético de Madrid. 456 millones de euros. Real Zaragoza. 112 millones de euros. Athletic Club de Bilbao. 59 millones de euros. Rayo Vallecano. Entre 45 y 50 millones de euros. Málaga. 38 millones de euros. Eres una enciclopedia. No, Sevilla 112, Español 174 y el Villarreal 240. Y si sumamos todo lo que hemos dicho más lo que no hemos dicho, nos daría 3.500 millones de euros de deuda. Más la segunda división A, la segunda B, la tercera división. No, no son más. 6.000 millones de euros sería, digamos, la cota mágica y nefasta para el fútbol español de deuda. Y las deudas se tienen que pagar. Las deudas se tienen que pagar. ¿Y esta deuda se va a poder pagar? No se va a poder pagar.